j'aime ma mère. C'est pas la musique, c'est Mister Belgique. David Boulakia. Depuis que je t'ai connu, je vais toucher la lune. Plongé dans mon sommeil, je ne vois que ton visage. T'es si belle et si douce, et t'es mon fil en rose. Ton sourire est si doux que je vois la vie en rose. Pour toi, je l'estime, t'es mon élixir. Je t'ouvre mon cœur, car ce soir je m'exprime. Je respire, mon esprit est posé. Le meilleur, le pur, je vais t'épouser. Laisse parler le haineux, le coup c'est que moi. Dédicace aux aînés. T'es ma weed et de toi suspide. Fly, grave, suis dans l'espace. Reste calme, pas pour l'extase. Faut que les pétasses, quand mon cœur ne puisse apprendre. Plus dangereux qu'un piqûre d'une abeille, tu me connais. Je te dirai pas mon blast dans la boîte, tout le monde me connaît. T'es sexy, c'est normal, ça m'excite. Tu me fais planer cœur comme la weed du Mexique. Sur la piste ce soir, t'es mon actrice. Mais d'où tu sors, bébé? Mais d'où tu sors? C'est à quoi ton regard, j'ai des mauvais sorts. Elle est belle et sexy, ça démarche sexy. Tu sais de qui je parle? Je peux plus te tromper, avec toi je suis borné. J'ai du mal à te trouver, plus la peine de pleurer. Car t'es mon fil en rose, fil en rose. Car t'es mon fil en rose, fil en rose. Car t'es mon fil en rose, fil en rose. Carte mon fil en rose, en te loin de moi, j'perds le repère. J'aime ta présence, ton sourire est super. Pépère, t'es ma pépinière, t'es la seule à me comprendre. J'vais te tromper, mais mon cœur ne peut apprendre. C'est des larmes de joie que mes yeux sont trempés. Sensé, comme toi je le suis. Tranquille, ce sont les meufs qui me suivent. N'aie pas peur, t'es mon âme sœur. Même avec ta tenue, je connais ton corps par cœur. J'avoue, c'est pas parfait. Ferme-moi les yeux, je te refais le portrait. T'es mon fil en rose, fil en rose. Je peux plus te tromper, avec toi je suis borné. J'ai eu du mal à te trouver, plus la peine de pleurer. Car t'es mon fil en rose, fil en rose. Car t'es mon fil en rose, fil en rose. Carte mon fil en rose, fil en rose. Carte mon fil en rose, fil en rose.